Pensez réellement que les gouvernements, que certes, les gens les réellement qui sont les plus élevés, ou si on peut dire, au niveau des castes, vous pensez réellement que ces gens-là subissent les effondrements, qu'ils subissent les crises? Ben non, ils les programment. Les guerres sont décidées et voulues par des gens qui ne la font pas et qui ils sont transnationaux, eux. Ils s'en foutent des pays, des États-nations. Ça a toujours été comme ça. Voyons, ils sont pas trop intéressés. Ben, voyons, les petits gouvernements nationaux, ils font ce qu'on leur dit. Imaginez, là, il n'y a pas un seul pays qui a réellement en ce moment pas de dette extérieure. Ils en ont tous. Ils sont tous dépendants d'instances financières transnationales. Que ce soit la Chine, la Russie ou la France ou le Canada, ils empruntent tous au FMI. Ils ont tous une dette extérieure. Qui gouverne réellement? C'est pas des gouvernements nationaux. L'argent a juste la valeur pour justement autre que ces gens-là. Eux autres, ils n'ont pas de l'argent. Ils ont l'argent. Ils peuvent l'imprimer comme ils veulent. C'est eux-mêmes qui décident la valeur de la monnaie. Comment voulez-vous qu'ils puissent vouloir plus d'argent? Ils en ont rien à faire de l'argent. Ils sont déçus de l'argent. Ils sont déçus de l'argent. L'argent n'est qu'un support magique pour l'énergie. C'est de la magie, hein? La vraie magie, dans le sens concret, effectif. Bon, faut sortir à un moment donné de l'idée que l'argent a de la valeur. L'argent métal a de la valeur, mais l'argent, la monnaie, ça n'a aucune valeur. Ces gens-là décident de la valeur de la monnaie, imaginez. Pour eux, l'argent n'a aucune valeur. Mais prenez quelqu'un comme David Rockefeller, il s'en fout de l'argent. C'est une abstraction. Ça n'a pas une valeur autre que pour le monde des abstractions, le monde magique, justement. C'est de la magie de venir à bout de saisir la maison de quelqu'un avec des notions abstraites. Les gens n'ont jamais réellement compris ce que c'est le culte, à quel point c'est effectif, à quel point c'est concret.